Que pensez-vous de faire une pause pendant le cours de français ? Moi, je suis totalement pour. C'est bien de s'arrêter un peu. Ah non, je ne suis pas d'accord. J'arrive tard en cours à cause de mon travail. Alors si on fait une pause ? Moi, je dis que ça dépend. À mon avis, Rémi a raison. 10 minutes pour prendre un café ou s'aérer un peu, c'est pas mal, non ? Je propose une chose. On vote et on décide après. Bonne idée.